Les experts du climat tentent d'alerter le monde. On parle de la sixième extinction, donc on parle de la fin du monde quelque part. Tété, j'ai compris que je ne vieillirai pas dans ma maison. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Je suis vraiment heureux d'avoir des enfants. Mais si je devais faire des enfants aujourd'hui, je me poserais 10 fois plus de questions que je ne m'en suis posé à l'époque. Ça a vraiment été un déclic. Hein. Quand on parle de déclic, c'était vraiment le déclic. Je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que j'agisse. Souvent, je ne préfère pas penser à l'avenir. Puis je trouve ça égoïste et je m'en veux de ne pas plus agir. Pourtant, je fais déjà de mon mieux. Mais j'ai l'impression que rien ne bouge. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on détruit notre propre environnement ? Comment ? Comment se reconnaître dans notre société de consommation ? Va-t-on survivre aux catastrophes climatiques de plus en plus nombreuses et au déclin de la biodiversité ? Quel avenir pour nos enfants ? Pour mes enfants ? D'ailleurs, est-ce raisonnable d'en avoir ? Est-ce que comme nous, parfois tu te poses ces questions et tout se bouscule dans ta tête ? Si oui, tu souffres peut-être d'éco-anxiété. Mais bonne nouvelle, c'est une empathie plus qu'utile. Et nous verrons comment on peut transformer ce mal-être en action. Bonjour, nous sommes Juliette et Manon. Bonjour. Nous sommes deux étudiantes agronomes en dernière année à l'école d'ingénieurs de Purpan et vous écoutez Agro J'écoute. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'éco-anxiété pour comprendre, s'identifier et réfléchir aux actions pour aller mieux. Nous recevrons en deuxième partie Isabelle Giraldo, facilitatrice et thérapeute spécialisée dans ce domaine. L'agroécologie, on m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Alors, l'éco-anxiété, comme vous l'entendez, c'est issu de la contraction du mot écologie et anxiété. C'est une empathie pour la terre, pour la souffrance d'autrui, une sensibilité au vivant. C'est en fait un profond sentiment d'impuissance, de souffrir pour ce qui ne dépend pas de soi, ou du moins seulement de soi. En gros, toi, par exemple Manon, tu tries tes déchets, tu manges local la plupart du temps, du bio mais qui vient d'Espagne. Tu privilégies le made in France, mais ça, tu peux pas toujours te le permettre, notamment en tant qu'étudiante. Tu agis à ton échelle, mais rien ne bouge vraiment dans la société. On te dit, oui, c'est bien, tu es flexitarienne, mais tu prends l'avion. Autant de contradictions que de reproches qui ne nous font pas sentir en accord avec nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est surtout une course à qui fera le mieux, alors qu'on devrait déjà tous faire au mieux. Et ça, ça rend anxieux. Par contre, on ne peut pas la considérer comme une maladie mentale, qui serait une inadaptation de la psyché selon une norme sociale. Parce qu'ici, c'est l'environnement qui dysfonctionne. Et on ne peut pas demander à l'individu de s'y adapter. Le véritable problème, c'est la perte de notre lien avec la nature face à un urbanisme qui est grandissant. Or, on a besoin, pour notre santé mentale, de respirer de l'air pur, de voir des arbres. L'université d'Essex a fait une étude prouvant que 5 minutes, juste 5 minutes, en contact avec la nature, ça procure un bien-être immédiat, que ce soit au niveau mental et physique. L'effet, il est décuplé aussi si l'activité en extérieur se fait en groupe, combinant alors le lien social avec le lien de la nature. Vive les randos du dimanche, quoi. Exactement. Et on peut se demander si en s'éloignant de la nature, on se perd pas un peu nous-mêmes. Oui, d'accord, ce mal-être, je le ressens, mais je suis pas forcément anxieux. Et effectivement, c'est ce qu'on peut actuellement reprocher au terme éco-anxiété, c'est qu'il peut manquer d'inclusivité, car il existe autant de personnes que de manières de le ressentir, de le vivre. L'éco-anxiété, ça peut être déjà du stress, mais ça peut être aussi de la peur face à un avenir incertain. D'ailleurs, on l'observe souvent chez les jeunes mamans, puisque d'un coup, le futur se rallonge, puisqu'elles se projettent sur la vie de leur enfant. C'est aussi de la colère face à l'inaction. Ça peut même aller jusqu'à de la dépression face à la solitude, de la culpabilité et de la honte de l'impact humain. Bref, un bon mélange d'émotions négatives. Ça, tu peux le dire. Mais les éco-psychologues parlent bien d'une lucidité dans un monde qui ne l'est pas. Et oui, car qu'est-ce qui explique ce manque de réaction globale alors qu'on nous parle de déclin de biodiversité, qu'on ressent de plus en plus les impacts du réchauffement climatique et qu'on assiste aux catastrophes naturelles ? Ici, l'urgence, elle est difficile à appréhender. C'est vrai qu'on aime notre confort et on n'est pas prêt à changer. Une des premières réactions d'autodéfense, c'est le déni. Il ne suffit plus de savoir, mais bien de vouloir, vraiment. Or, c'est d'une part accepter qu'on éprouve de la peur, ce qui nécessite de l'humilité, et d'autre part, c'est avoir le courage de prendre une position qui est différente de celle du reste de la société. Ça, c'est pas évident aussi. C'est aussi prendre conscience qu'on n'est pas seul dans ce cas et que ce n'est pas une fatalité. On peut demander de l'aide et on peut aller mieux. C'est vrai que c'est un peu tout l'enjeu d'aujourd'hui d'être capable d'en parler. Mais est-ce qu'on sait un peu plus qui est touché par l'éco-anxiété et combien sont-ils ? Selon un sondage mené en 2022 par l'IFOP pour CARE, c'est 67% des Français qui déclarent ressentir de la peur face à l'avenir, concernant le climat notamment, avec une prédominance chez les jeunes et chez les femmes de moins de 35 ans. Comme nous quoi. Exactement, dans le mille. Ce sont surtout les personnes aussi qui vivent directement dans les zones touchées par le changement climatique qui sont les plus touchées. Là, on peut prendre comme exemple le fort taux d'alcoolisme des Inuits face à la fonte des glaces, mais aussi le fort pourcentage des jeunes Philippins qui sont anxieux, qui subissent de plus en plus de typhons. Et aussi les Indiens qui font face à de vagues de chaleur de plus en plus importantes. L'éco-anxiété, ça s'observe également chez les acteurs de terrain. Là, on parle des chercheurs, des agriculteurs, des reporters engagés. Et d'ailleurs, c'est là où il est souvent dur pour eux de trouver l'équilibre entre un ton qui peut être trop alarmiste et donc culpabilisant et donner la bonne information pour inciter à agir. Dans une étude de 2021, ce sont 10 000 jeunes entre 16 et 25 ans venant de 10 pays différents, dont la France, qui ont été interrogés par rapport à leurs craintes de l'avenir et leur anxiété, notamment vis-à-vis du changement climatique. Et parmi eux, c'est 59% qui se sentent très, voire extrêmement, inquiets. Ouais, ça commence à faire beaucoup, hein, plus de la moitié. Et justement, il y a de nombreuses recherches qui sont toujours en cours, notamment concernant l'élaboration d'échelles qui permettraient de mieux comprendre et mesurer le niveau d'éco-anxiété pour les professionnels de santé. Bon, c'est toujours dur de catégoriser des sentiments, mais ça peut être utile. Il reste donc encore pas mal de travail pour trouver un consensus et développer toutes les facettes de cette éco-anxiété. Restez avec nous car nous allons d'ici peu recevoir notre invitée Isabelle Giraldo. Mais avant, petite pause musicale. Allez, c'est parti, on écoute. Lost kingdoms. Do I Vous venez d'écouter le groupe Radio Mama et leur chanson How Will Our Kids Fill the Hole. D'ailleurs, c'est mon papa à la batterie. Oh, trop chouette. C'est un nouveau groupe qu'il a monté avec des amis de longue date et ils viennent juste de sortir leur premier album. Et d'ailleurs, c'est drôle, enfin, pas vraiment, mais les paroles de cette chanson, elles collent parfaitement avec notre sujet parce que ça veut littéralement dire comment nos enfants vont combler le vide et notamment face au monde qu'on va leur laisser. Ouais, du coup, effectivement, ça tombe bien, ça colle bien. Donc maintenant qu'on a compris peut-être un peu plus que c'était l'éco-anxiété, et peut-être d'ailleurs que vous vous identifiez, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux quand, pour certains, il y a l'air de n'avoir plus aucun espoir? Le tout, c'est d'oser en parler, oser demander de l'aide pour transformer ce mal-être personnel en action, qu'elle soit individuelle ou collective. L'éco-psychologie, c'est une thérapie qui met des mots sur les mots. Mmh. Et pour nous aider à mieux appréhender la question, nous avons la chance d'avoir au téléphone Isabelle Giraldo, formatrice et facilitatrice en écologie profonde. Donc bonjour Isabelle Giraldo. Bonjour. Donc vous accompagnez des personnes éco-anxieuses pour aller mieux. Donc on aimerait savoir concrètement comment ça se passe pendant vos séances. Alors en général, on travaille en groupe parce que ben, je pense que vous l'avez quand même un peu mentionné, mais... L'éco-anxiété, c'est pas un problème qu'on peut faire poser sur l'individu ou qui revient de la responsabilité de l'individu, mais c'est un problème qui vient plutôt du système. Donc, je pense que c'est très important, comme vous l'avez dit, de parler d'abord et de libérer la parole. Et c'est pour ça que essentiellement le travail va se faire en groupe, parce qu'un des plus gros problèmes qu'on voit chez les éco-anxieux ou les éco-anxieuses, c'est ce sentiment d'être isolé avec ses émotions et de se retrouver fort seul. Donc en général, on va faire des ateliers qui peuvent se dérouler alors sur une après-midi, sur deux jours. On propose aussi des cycles de une heure par semaine sur plusieurs semaines, en groupe, en collectif. Et on va vraiment travailler le lien. Parce que, voilà, moi je pars du principe que l'antidote de l'éco-anxiété, c'est vraiment la création de liens. Ça, je pense que vous en avez parlé aussi. Donc voilà. Ok, donc oui, vraiment le lien entre les personnes. Et est-ce que ça se fait à l'extérieur, par exemple, ou plutôt en intérieur? On peut faire les deux. Et en fait, on ne va pas travailler que le lien aux autres personnes, même si c'est un aspect important. Mais on va travailler quatre types de liens. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais souvent dans l'éducation, on met fort en avant tout ce qui est le mental, la pensée, le rationnel, le cognitif. Et du coup, nous, on va aussi utiliser d'autres, ce qu'on peut appeler les portes d'entrée des sensations ou de la connaissance. Et on va utiliser quatre formes de liens qui sont d'abord le lien à soi avec toutes nos sensations physiques, donc les cinq sens, et se reconnecter à notre propre corps et nos sensations. On va aussi explorer le lien au vivant, à la nature, et ça, on va le faire à travers de nos émotions. Donc justement, c'est là qu'on va... On va travailler les émotions qui sont parfois difficiles. Mmh. Et puis, on explore aussi le lien au cosmos et tout ce qui est imaginaire et nouveaux récits. Parce que ça, c'est aussi une part très, très importante pour prendre soin de l'éco-anxiété. C'est d'imaginer un futur qui soit plutôt réjouissant, plutôt que tous ces scénarios catastrophes qu'on nous balance tout au long de la journée. Mmh. Et puis, pour finir, on travaille aussi évidemment le lien aux autres. Et là, on est plus alors dans l'action. Et comment on va pouvoir agir ensemble. Et comment est-ce qu'on peut savoir si on est éco-anxieux? Est-ce qu'il y a un profil type d'éco-anxieux? Non, ça c'est, vous l'avez dit, hein, c'est assez difficile parce que on a choisi le terme éco-anxiété parce que c'est celui qui devient de plus en plus connu, qui est de plus en plus médiatisé, mais ça peut regrouper toute une panoplie d'émotions. On peut parler de éco-stress, éco-deuil, éco-lucidité, éco-rage, éco-impuissance. Ça va reprendre vraiment tout ce panel d'émotions. Mmh. Et en fait, alors je pense qu'il faut se poser la question si à un moment, est-ce que vous vous sentez souvent déprimé, vous avez du mal à vous mettre à l'action, vous avez du mal à rester motivé. Alors peut-être qu'à ce moment-là, c'est le moment de se dire, tiens, ben, si j'en parlais à quelqu'un, tout d'abord, comme vous l'avez dit, hein, ne pas rester dans le silence, mais commencer à en parler et puis explorer les pistes. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un terme qui regroupe tous ces sentiments que peuvent éprouver les éco-anxieux? Alors, il y a un thème qu'on commence à entendre, que moi, j'aime vraiment bien. On pourrait dire, en fait, que c'est de l'éco-empathie. Parce que ce sont des personnes sensibles et voilà, ça devient de plus en plus étrange quand même de trouver une personne qui, face à ce qui est en train de se passer, ne ressente rien. Et toutes ces émotions que moi j'appelle plutôt désagréables que négatives, elles sont tout à fait normales et saines face à ce qui est en train de se passer. Oui, c'est donc, ça rendrait le terme aussi peut-être un peu plus positif, éco-empathie. Voilà. Et donc ces émotions, c'est vraiment un indicateur en fait de, qu'on tient à la vie, qu'on a envie de s'en occuper, qu'on a envie d'en prendre soin et que ce qui est en train de se passer, ça nous rend tristes. Et on a vu justement avec Manon qu'il y avait des nouveaux mots qui pouvaient émerger, notamment dans les pays scandinaves, qui désignent la honte de prendre l'avion ou la honte d'acheter de nouveaux vêtements. Est-ce que justement c'est typiquement européen cette éco-anxiété ou on l'observe dans d'autres pays à travers le monde ? Non, je pense que maintenant on l'observe partout. Et par rapport à ça, justement, je voulais mettre ça en parallèle, mais les climato-sceptiques, parce qu'il y en a aussi beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est un manque d'informations ou est-ce que c'est vraiment un déni ? Oh, je pense que là, maintenant, c'est vraiment un déni. Mais c'est vrai que le déni, c'est une réaction aussi de protection, finalement. Et parce que ça, je le vois aussi parfois chez des jeunes qui me disent « Mais moi, j'ai plus d'émotions, je ressens plus rien par rapport à ce qui se passe. » Mais c'est en fait, c'est une réaction de protection parce que c'est tellement énorme et parfois, c'est tellement de souffrance d'accepter ce qui est en train de se passer et de faire face à nos émotions que ces personnes, elles préfèrent nier ce qui est en train de se passer ou se dire « Non, mais moi, je ressens plus rien, ça me fait plus rien de voir ce qui se passe. » Et ça, c'est vraiment une forme de protection, oui. Et justement, est-ce que ce déni, ça ne vient pas accentuer l'éco-anxiété de ceux qui ont pris la peine d'accepter leurs émotions et qui essayent d'avancer ? Ça crée un contraste. Oui, ça crée un contraste important. C'est pour ça que je pense et je crois qu'on doit de plus en plus essayer d'ouvrir des espaces de conversation où on se sent bien, on se sent en sécurité. Parce que forcément, une personne qui a mis de côté tout ce genre d'émotions, et quand une fois que ça commence à remonter à la surface, ça peut être très violent et ça peut être très difficile. Donc il faut vraiment faire ça avec douceur et délicatesse et bienveillance. Et c'est pour ça que c'est bien de mettre en place des espaces sécurisés où on peut avoir ce genre de conversation en se disant que ça va aller. Mmh. Et c'est vraiment comment on trouve des champs d'entente ou des espaces où on peut commencer à parler de ces sujets-là sans directement basculer dans le conflit ou... Et au-delà de la discussion, est-ce qu'au quotidien, on peut aussi qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller mieux ? Parce que nous, on pense, par exemple, aux éco-gestes, consommer local, de saison, favoriser la seconde main. Est-ce que vous voyez autre chose ? Ouais, ça, c'est déjà énorme. Et c'est très important parce que c'est vrai qu'il y a... On entend parfois ce discours que mais les petits gestes, ça sert à rien. Mmh. Et en fait, oui, peut-être qu'à l'échelle de ce qui est en train de se passer, ça change pas grand-chose. Mais au point de vue psychologique et au point de vue de la motivation, est-ce que ça nous fait à nous ? C'est énorme, en fait. Parce que comme ça, j'ai l'impression de faire ma part et ça me et comme ça, je peux continuer à être dans l'action et faire quelque chose. Et ça prend soin, justement, de cette éco-anxiété. Donc pour ça, les éco-gestes sont très importants. Et au quotidien, c'est savoir trouver ce qui nous ressource, nous. Par exemple, moi, ça va être aller me promener en forêt ou prendre un temps pour méditer ou avoir une conversation avec quelqu'un que j'aime. Et c'est tout mettre en place des petites choses qui, je sais, vont me ressourcer. Et aussi, être assez attentive au moment où on va lire des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Parce que c'est vrai qu'on en a souvent. Et il y a des articles que, par exemple, moi, je dis, mais celui-là, je le lirai quand je suis en forme. Mais là, maintenant, je me sens pas apte ou pas capable de pouvoir lire encore un article là-dessus. D'accord. Et on se demandait aussi quelle posture on peut adopter face à son entourage pour peut-être pas trop paraître moralisateur aussi quand on a conscience de certains aspects. Oui, ça, c'est important aussi de pas être... de pas prêcher ou de pas être moralisateur parce que sinon les personnes elles partent directement en opposition et ça c'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce qu'on a envie d'avoir. Une bonne façon c'est de poser les questions et inviter à faire des petits pas. Donc par exemple, j'avais entendu une fois une personne qui disait c'est utopique d'imaginer que tout le monde va devenir végétarien. Mais par contre, ceux qui aiment manger de la viande, commencez à leur poser des questions. Tiens, mais est-ce que tu es conscient ou consciente de quelle viande tu manges? D'où est-ce qu'elle vient? Est-ce que tu penses que ce serait possible peut-être de diminuer ta consommation de viande? Dans le même sens, pour ceux qui sont dans la fast fashion, tiens, mais qu'est-ce que ça te ferait d'acheter moins et peut-être commencer à explorer le deuxième main? Et petit à petit, comme ça, c'est vraiment cette idée de petits pas et amener les gens à changer petit à petit plutôt que de les confronter directement à de grands changements. Parce que c'est très difficile pour l'être humain de changer. Oui, ça demande du temps. Et... Ouais. Donc ouais, c'est plus initier l'idée en respectant aussi les choix de l'autre, mais proposer d'autres solutions. Oui, aller plus dans la proposition que prêcher quelque chose. Donc est-ce que vous considérez que l'éco-anxiété, ça pourrait être un levier d'action à une échelle plus globale? Oh, ça c'est difficile. Oui, c'est une question assez difficile. On pourrait dire que l'éco-lucidité, oui, je pense que si de plus en plus... Je pense que l'être humain, il change quand il devient vraiment très, très, très inconfortable. Donc, en ce sens-là, c'est sûr que l'éco-anxiété, ça peut être un levier parce que ça va devenir de plus en plus inconfortable de rester avec ces émotions-là. Et peut-être que plus il y aura de personnes éco-anxieuses, plus il y aura de personnes qui voudront changer. C'est sûr. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose d'autre qu'on n'aurait pas forcément abordé? Parce qu'on va arriver bientôt sur la fin de notre échange. Non, je pense qu'on a, bien survolé le sujet. Je pense que ce qu'il faut retenir, et ça vous l'avez bien dit, c'est sortir de l'isolement. Et en parler. Et voilà, moi, il y a toujours une chose que je dis que vous pouvez faire assez vite, c'est mettre en place des cercles de parole ou des endroits où on peut avoir ce genre de conversation en se sentant bien et en confiance. D'accord. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci pour cet échange très enrichissant. Et c'était intéressant, justement, d'avoir le point de vue de quelqu'un qui travaille sur ce sujet au quotidien et aussi... cette éco-anxiété qui fait assez sens, assez écho pour nous avec Juliette. Pour conclure, ce qu'on peut en retenir aujourd'hui, c'est que l'éco-anxiété, c'est une vraie force nécessaire pour demain. Nos choix de consommation, ils ont un véritable impact et il faut en être conscient. C'est important d'échanger sur ces émotions, de sensibiliser avec bienveillance, parce que c'est tous ensemble qu'on peut arriver à faire bouger les choses. Tout à fait, je suis d'accord. Et pour aller plus loin, on peut aussi penser aux éco-villages de Pierre Rabhi, l'ère de la symbiocène de Glenn Albrecht, le grand tournant de Johanna Massy. Autant de termes et de concepts qui peuvent sembler un peu compliqués et que nous ne développerons pas aujourd'hui, mais qui prouvent surtout que philosophes, agriculteurs, scientifiques et psychologues réfléchissent à un autre mode de vie. Et ça, c'est important aussi à savoir. On a été très heureuse d'être là. On remercie Campus FM, la région Occitanie et l'école d'ingénieurs de Purpan pour nous avoir permis de vous présenter cette émission aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. On remercie aussi Isabelle Giraldo d'avoir été là avec nous. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ce qu'elle fait. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et pour nous accompagner, nous avions écouté aussi la chanson du groupe Radio Mama, How Will Our Kids Fill the Hole. Et on finira en disant qu'il faut pas, enfin, de ne pas oublier d'assumer votre éco-anxiété, agissez, communiquez, et c'est comme ça qu'on soignera la Terre pour se soigner.